بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On reprend ce soir, inshallah ta'ala, la série de cours dans la lecture et le commentaire du chapitre de la fermeté tiré du Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. On avait commencé le sous-chapitre, un sous-chapitre lié à divers éléments de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est d'ailleurs le sous-chapitre le plus long qu'on va trouver dans ce chapitre. Ici, l'auteur al-Bukhari rahimahullah, il cite plusieurs hadiths qui sont liés à divers éléments de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que le mimbar, tels que la tombe, tel l'endroit où il a été enterré, sallallahu alayhi wa sallam, tel que le lieu où il priait, etc., etc. Et donc plusieurs hadiths concernant ces différents sujets. Et donc l'auteur qui cite la chaîne de transmission, qui monte jusqu'à Abdirrahman ibn Abisin, qui dit « Su'il ibn Abbas, ashahidta al-Eid ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. » Est-ce que tu as assisté au Eid avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand Ibn Abbas était jeune. Il était jeune, c'était un enfant. « Qala na'am, walaw la manzilati minhu ma shahidtuhu min as-sighar. » Il a dit oui. Et si ce n'était pas ma proximité que j'avais avec lui, je n'aurais pas assisté au Eid à cause du fait que j'étais jeune, à cause du jeune âge. Fa'ata al-'alam alladhi 'inda dari kathir ibn Salt. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa salla. Thumma khataba wa lam yadhkur adhanan wa lam yadhkur adhanan wa la iqama. ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم, le jour du Eid, il est allé jusqu'au signe qu'il y avait au niveau de la maison de Kathir ibn Salt. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Il a donc fait la prière du Eid. Puis, il a fait un sermon et il n'a pas fait de ezen ni de ikama pour la prière du Eid. Puis, il a ordonné que les gens donnent en aumône. Alors, les femmes, elles ont commencé à montrer leurs oreilles. Elles ont commencé à faire signe. Elles ne montraient pas leurs oreilles, mais elles faisaient des signes en direction de leurs oreilles et de leurs cou. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal d'aller donc au niveau des femmes. Et donc Bilal est allé et il est allé, donc il est revenu après auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Bilal, il est allé récupérer donc les bijoux des femmes. Les femmes, lorsqu'elles montrent, elles font signe en direction de leurs oreilles et de leurs cou, c'est-à-dire pour récupérer donc pour qu'on puisse récupérer leurs bijoux, leurs colliers, etc., etc. Enfin, et parmi les différentes leçons qu'on peut tirer de ce hadith, barakallahu fikoum, premièrement, la salat du Eid, elle se fait à l'extérieur de la mosquée. La salat du Eid, la sunna, c'est qu'elle ne soit pas à la mosquée. Et comme on a dit, les savants, ils le permettent. Ils permettent la prière du Eid donc dans les mosquées lorsque, par exemple, il n'y a pas possibilité de le faire à l'extérieur. Parfois, ou alors lorsqu'il y a trop de monde. Et donc les gouvernements vont mettre en place des lieux précis où les gens peuvent aller prier en plein air, etc. Mais parfois, il y a tellement de musulmans qu'on est obligé aussi d'ouvrir certaines mosquées afin de permettre aux musulmans de faire la prière du Eid. Et donc, il n'y a pas de mal lorsque la prière elle est faite dans la mosquée, mais la base, la sunna, c'est que la prière du Eid se fait à l'extérieur de la mosquée. Donc dans la sunna, on voit que la prière du Eid se fait avant le sermon. La prière du Eid se fait avant le sermon. Dans la sunna, on voit aussi, barakallahu fikoum, qu'il n'y a pas de ezen ni de ikama pour le Eid. Il n'y a pas de ezen ni de ikama. Pas d'appel à la prière. On voit aussi dans ce hadith que les femmes ne sont pas mélangées aux hommes. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné à Bilal d'aller justement au niveau où étaient les femmes, pour récupérer leurs aumônes. Et on ne comprend pas ici que les femmes, elles avaient leurs bijoux qui étaient apparents, comme c'est le cas aujourd'hui à notre époque, où les femmes, elles viennent à la mosquée avec leurs boucles d'oreilles et les colliers, etc., tout ce qui est apparent. Non, Allah tabaraka wa ta'ala a interdit aux femmes de montrer leurs atours, de montrer donc leur embellissement. Il a interdit à la femme de montrer tout ce qui va l'embellir, afin donc de ne pas être une tentation pour les hommes qui sont faibles et qui doivent admettre leur faiblesse. Et donc, ici, barakallahu fikoum, il n'est pas convenable que on voit ce qu'on voit aujourd'hui, le tabac rouge, le fait qu'on ne fait pas attention, que ce soit au niveau des femmes ou des hommes, à la manière dont on se vêtit pour aller à la mosquée. Et ensuite, l'auteur qui nous cite un autre hadith qui monte jusqu'à Ibn Omar radiallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. Ibn Omar رضي الله عنهما qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il venait à Quba, donc la mosquée de Quba à Médine, à pied ou alors sur une monture. Dans une autre narration, il a été cité dans une autre narration Kulla Sabtin. Ce qui est voulu ici, c'est pas le samedi, c'est chaque semaine. Quand il nous dit « Kulla Sabtin », c'est pas forcément tous les samedis. Ce qui est voulu ici, c'est chaque semaine. Le prophète, il y allait chaque semaine à Quba. Et donc, on voit dans ce hadith donc, les mérites de cette mosquée et le fait qu'il est recommandé de prier dans cette mosquée pour ceux qui en ont la capacité, pour ceux donc qui sont à Médine, qui peuvent y aller régulièrement, que ceci est une sunna et que cela fait partie justement d'être ferme sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il y a un hadith dans Jami' al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit salatun fi masjid Quba ka umrah. Une prière dans la mosquée de Quba est comme une umrah. Une prière dans la mosquée de Quba est comme une umrah, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Le troisième hadith qu'on voit ce soir, donc, la chaîne de transmission qui va jusqu'à Aïcha radiallahu anha, qui a dit à Abdullah ibn Zubayr, le fils de sa sœur. Donc Aïcha qui lui dit, idfinni ma'a sawahibi, wa la tadfinni ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam fil bayt. فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَكَّى. Aïcha radiallahu anha qui dit, Abdullah ibn Zubayr, enterre-moi avec mes, donc, sawahib, ce qui est voulu ici, c'est le pluriel de sahibat, les compagnons, mais au féminin. Et donc, enterre-moi avec, donc, ce qui est voulu ici, donc, ce sont les femmes, donc parmi, donc à l'époque des compagnons. Et ne m'enterre pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison. Pourquoi ? Parce que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était où ? Elle était donc dans la hujra de Aïcha. Elle était donc dans la demeure, dans la chambre de Aïcha radhiyallahu anha. Car certes, je déteste qu'on me fasse des éloges. Je détesterais qu'on me fasse des éloges. Le fait que Aïcha radhiyallahu anha, elle est enterrée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a dans ce hadith, comme on a cité précédemment, plusieurs éléments. Donc, dans ce sous-chapitre, l'auteur nous cite plusieurs éléments liés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont sa tombe. Et donc, ici, on voit que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était donc dans la chambre, dans le logement de Aïcha radhiyallahu anha. Et on voit que Aïcha, elle a donc elle est humble, elle était humble, radiallahu anha, et qu'elle ne voulait pas qu'on lui fasse d'éloges. Et d'ailleurs, le croyant doit être ainsi, ne pas aimer que les gens lui fassent des éloges, mashallah, tu as ci, mashallah, tu as ça, mashallah, anta. Et donc, barakallahu fikoum, Aïcha, elle n'aimait pas qu'on lui fasse des éloges. Et d'ailleurs, le croyant doit être ainsi, ne pas aimer qu'on lui fasse des éloges et inciter les gens à comprendre cela et à appliquer cela. On ne fait pas d'éloges comme cela. Allah Azza wa Jalla qui nous dit dans son livre, voilà tuzakku anfusakum, et ne vous faites pas d'éloge. Ne vous faites pas d'éloge. Le hadith d'après, donc le quatrième, ou peut-être le cinquième si je ne me trompe pas. Non, le quatrième. Le quatrième hadith qu'on voit aujourd'hui, inshallah ta'ala. Donc, que Omar radiallahu anhu, il a envoyé donc quelqu'un auprès de Aïcha. En lui disant, i'azani li an udfana ma'a sahibiyya. Faqalat i wallah. Qala wa kana ar-rajulu idha arsala ilayha min as-sahabati qalat la wallah la uthiruhum bi ahadin abadan. Et donc ici Omar radiallahu anhu. Ici, ce hadith, en fait, c'est lorsque Omar, il s'est fait poignarder. Même si ce n'est pas cité ici. C'était après que Omar se soit fait poignarder et que la mort approchait. Omar a donc demandé à Aïcha radhiyallahu anha si celle-ci pouvait le laisser, qu'on l'enterre, donc auprès de ses deux compagnons, Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Aïcha radhiyallahu anha qui a répondu, bien sûr, wallah. Et certes, avant cela, Aïcha, quand quelqu'un lui demandait si on pouvait l'enterrer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou auprès des compagnons, elle disait, non, je ne vais favoriser personne concernant cela. Parce qu'elle voulait être, elle voulait elle-même être enterrée ici. Soyez. Et donc, comment est-ce qu'on comprend ce hadith et le hadith qu'il y a avant? Et le hadith qu'il y a avant, où Aïcha dit, je ne veux pas qu'on me fasse d'éloge. Et donc, en fait, il faut faire la différence entre les deux moments. D'abord, il y a eu la mort de Omar, donc ce deuxième hadith-là. À ce moment-là, donc Aïcha, elle ne voulait pas donner cette place à qui que ce soit parce qu'elle voulait elle-même être enterrée là. Ensuite, Omar radiallahu anha lui a demandé, elle a accepté, et par la suite, elle ne voulait plus être enterrée là. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas qu'on lui fasse d'éloge. Elle ne voulait pas qu'on lui fasse d'éloge. Et qu'on la distingue des autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc encore une fois le lien avec le sous-chapitre. Donc on aborde ici le sujet de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où était la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et on voit ici le comportement de Aïcha radhiyallahu anha qui a accepté de donner cette place à Omar, ce qui montre que l'importance de Omar donc auprès de Aïcha radhiyallahu anha est que donc son rang aussi auprès des croyants, cela montre aussi son rang auprès de Aïcha et auprès des croyants, car elle avait refusé pour beaucoup de personnes et elle a accepté pour lui. Le hadith d'après, le dernier hadith qu'on verra aujourd'hui inshallah ta'ala, d'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli al-asr فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait, il accomplissait la prière du Asr. Et ensuite il allait donc dans le quartier donc Al-Awali, alors que le soleil était encore élevé. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le temps d'accomplir la prière du Asr. ensuite de prier, de quitter la mosquée et d'aller à pied jusqu'à Al-Awali, et le soleil, il était encore bien haut. Il n'était pas encore descendu, prêt à se coucher. Ce qui est voulu ici, barakallahu fikoum, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait la prière du Asr en début de son temps. En début de son temps. Et ça, ça fait partie de la sunna, de la fermeté sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que souvent, barakallahu fikoum, on va prétendre suivre la sunna. Je suis la sunna. Et on va avoir des contradictions dans nos actes. Et donc il est important qu'on comprenne qu'il fait partie de la fermeté dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les prières soient accomplies à leur temps et notamment au début du temps, donc comme pour l'Asr. Donc ça c'est important et c'est un sujet à ne pas négliger. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière a été rendue obligatoire aux croyants à des moments définis. Et donc l'erreur dans laquelle beaucoup vont tomber lorsque ceux-ci vont rattraper la prière après le travail, ceci est contraire, totalement contraire au suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils entendent le mot sunna, ils pensent à recommander, pas obligatoire. Non, la sunna, elle est obligatoire si tu veux aller au paradis. La sunna, c'est la voie à suivre. Comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah, « Es sunnatu sefinatu nuh, man rakibaha naja » وَمَنْ تَرَكَهَا هَلَكْ. La sunna est l'arche de Noé. La sunna est comme l'arche de Noé. Celui qui monte dans celle-ci est sauvé. Mais celui qui la délaisse, il est voué à sa perte, à la perdition. Et donc il est important que les musulmans comprennent ce sujet. Aujourd'hui, si on aborde le sujet de la Palestine, où beaucoup viennent me voir pour me demander, alors, le temps il est passé, c'est toujours pas fini, on souffre encore, il y a encore ci qui se passe, il y a encore ça qui se passe, taïb. Mais la question qu'il faut se poser, c'est, le temps il est passé, est-ce qu'on est revenu sur la sunna, il y a encore tel bid'ah, il y a encore tel péché, il y a encore ci et ça. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous interdit de toucher aux barbes. Lorsqu'il dit, il interdit aux hommes de toucher à leurs barbes. Wafirou leha. Laissez-les pousser. On est où? Où sont les musulmans par rapport à cela? On est où? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de ne pas laisser notre pantalon descendre en dessous des chevilles. Ils sont où les musulmans par rapport à cela? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande donc, il ordonne les musulmans de prier à la mosquée, pour ceux qui sont proches de la mosquée, ils sont où les musulmans par rapport à cela? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'accomplir les prières à l'heure, on est où les musulmans par rapport à cela? C'est devenu sunna. Tout est devenu sunna. La prière à l'heure, sunna. Tout, c'est sunna. On va dire sunna, c'est-à-dire recommandé. Et ensuite, on s'étonne après cela, du mal qui va toucher la communauté musulmane. Et donc, la bonne question à poser, ce n'est pas quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que la communauté musulmane va arrêter de souffrir. La bonne question, c'est quand allons-nous revenir? Tout simplement. Quand allons-nous revenir sur le Coran, sur la Sunna? Quand allons-nous comprendre que nous devons fermement nous accrocher à cette Sunna, nous accrocher au Coran, Allah Azza wa Jal qui nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous fermement au câble d'Allah, le Coran, la Sunna. Accrochez-vous fermement à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui d'entre vous qui a une longue vie verra beaucoup de divergences. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Accrochez-vous alors à ma Sunna, ainsi que la Sunna des califes bien guidés. تَمَسَّكُوا بِهَا. Accrochez-vous fermement à celle-ci. Et mordez-y à pleines dents. On est où? Où sommes-nous de toutes ces sunnans, de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'où l'importance d'étudier ces sujets. Tous ces points qu'on voit régulièrement à la mosquée, où on apprend quelle est la sunna. Quand on dit c'est ça la sunna, ça ne veut pas dire que c'est recommandé. Il faut bien comprendre. Et donc voilà pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on continue cette série la semaine prochaine. بإذن الله تعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.